chouchou des nanas. Wow, wow, wow, wow, wow, donc c'est normal, je fais le malin. Wow, wow, wow, wow, wow, je suis devenu chouchou des nanas. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. On dort plus la nuit pour avoir le million. Comme j'ai des talents, me trouve mignon. On dort plus la nuit pour avoir le million. Comme j'ai des talents, me trouve mignon. À toi, va là-bas, laissez-moi faire la maille. À toi, va là-bas, laissez-moi faire la maille. À toi, va là-bas, laissez-moi faire la maille. À toi, va là-bas, laissez-moi faire la maille. Ne fais pas l'imbécile, sinon c'est le bain de sang. Ne fais pas l'imbécile, je suis le meilleur, tu le sais. Coup de katana, si tu manges dans mon assiette sans me demander. Toi tu es un banan, je suis bien sapé, donc elle veut ma quéquette. Oh la la la, bang bang bang. Oh la la la, elle devient dingue. Oh la la la, les taillènes naïves. Oh la la la, bang bang. Oh la la la, bang bang bang. Oh la la la, elle devient dingue. Oh la la la, oh la la la. Oh la la la la la. On dort plus la nuit pour avoir le million.